بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبيانبني أفو شهوديتور شهوديتري سور لزون دو راديو ميرات الأنبياء. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui sont derrière, qui étaient à l'origine de cette radio. C'est notre 12e assise autour de l'étude des particularités et des fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, extraits des livres de Cheikh de l'érudit Cheikh Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali, édité par la Dal Mirat al-Nabawi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie du Cheikh dans son obéissance et qu'il lui donne le Firdaus al-A'la et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse ainsi que les autres mashaykh de la Sunna. Et nous sommes dans le chapitre où il va traiter d'un problème très important et d'un fondement et d'une particularité des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, qui sont les salafis, qui est très important. C'est-à-dire, et le sujet c'est leur comportement face au texte de la législation. Les salafis, les gens de la sunna, les salafis croient et mettre en application les textes clairs, et leur religion est fondée sur les textes clairs, que ce soit dans leurs croyances, ou que ce soit dans leurs adorations, et ainsi de suite. Quant aux textes confus, ils y croient aussi, ils croient en les textes confus, mais pour avoir leur interprétation, ils les interprètent à la lumière des textes clairs, des textes muhkam. Donc, et ainsi, il y a la concordance entre toutes les preuves des textes. Et quand les textes ambigus ou qui représentent une certaine confusion, quand ils sont interprétés à la lumière des textes clairs, tout ce qui est comme opposition dans la tête va s'immiscer, il va s'anéantir. Car pour les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ils croient que tout vient min Allah Azza wa Jal. Et que tout ce qui vient min Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contradiction. Hein? Contrairement aux gens de l'innovation et des passions. Les gens de l'innovation et qui suivent leurs passions vont suivre les textes ambigu. Ils vont pas interpréter les textes ambigus à la lumière du texte clair. Ils vont toujours faire des efforts et aller vers le fait de faire des fausses interprétations et de déformer les sens et de tordre le cou des textes pour qu'ils correspondent à leur passion, pour chercher les séditions et les fitanes, et pour détourner de la religion véridique d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, ils vont fracasser les textes du livre d'Allah, et la sunna les uns contre les autres pour renforcer leur fausse voix et leur opinion égarée et égareuse. Ainsi, ils s'égarent et ils égarent beaucoup avec. Et ils dévient de la voie droite. Et donc ici, il s'agit du muhkam et du mutashabe dans les textes. Le muhkam, c'est ce qui est clair, hein, au niveau des textes. Et le mutashabe, c'est ce qui, en langue arabe, le mutashabe, c'est ce qui se ressemble. Et c'est ce qui est voulu avec ce qui est confus. Ah. Et on regarde les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen à ce niveau-là, dans ses commentaires sur Ted Moria. Il dit, rahmatullah alayh, comme ça, on a une idée de ce que c'est que Tashabuh et de ce que c'est que le Muhkam. Il dit, rahmatullah alayh, مما ينبغي أن يعلم أن التشابه الواقع في القرآن نوعان حقيقي ونسبي. Il dit, rahimahullah, que le similaire, les textes similaires ou qui se ressemblent dans le Coran sont de deux sortes. Hein? Ce qui représente une certaine similitude et une certaine confusion sont de deux sortes. Haqiqi wa nisbi. Un mutashabih réel et un autre qui est relatif. يقول فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها كما قال الله تعالى عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال عما في اليوم الآخر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلدي رحمه الله concernant المتشابه réel, le réel. Celui-là, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Il donne comme exemple ce que nous a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala concernant son essence. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la réalité. Hein? Et ce qu'il nous a annoncé concernant l'au-delà. Même si on sait la signification de ce que nous a annoncé Allah azza wa jal, il parle de ses attributs par exemple, hein, la main, on sait ce que ça veut dire. An-nuzul, la descente d'Allah, le dernier tiers de la nuit, on sait ce que ça veut dire, mais le comment, on le sait pas. Il en est de même pour ce qu'il nous a annoncé dans le delà. La signification, on sait, mais comment ça va être, et la réalité de la situation, on sait pas. Et comme il a dit, Azza wa Jal, dans cette traduction approximative du sens du verset, concernant son essence, concernant l'essence d'Allah, et il dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il sait tous deux. Hein, et ce qui est derrière eux, et eux, ils le cernent pas. Hein, et eux, ils ne le cernent pas. Ça veut dire ils ne cernent pas la connaissance d'Allah Azza wa Jal, ils ne cernent pas le comment de ses attributs, etc., etc. Hein, mais la signification des attributs, khlas, elle est dans la langue arabe, khlas. Mais le comment, la réalité, on ne sait pas. Comme dans l'autre verset qu'il a cité, les vues ne le captent pas et lui, il capte toutes les vues. Hein? Donc, et il a dit aussi, en ce qui concerne l'au-delà, dans la traduction approximative du sens du verset, aucune âme ne sait ce qui les attend comme réjouissance, hein, par récompense des œuvres qu'ils ont accomplies. On sait ce qu'il y a au paradis, mais on sait les noms. Mais il n'y a pas de similitude entre comment ils sont au paradis et comment ils sont ici. Il y a une grande différence. Comme dans le hadith Qudsi, qui est établi, qui est un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Où Allah subhanahu wa ta'ala, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah azzawajal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a pu voir. Aucun oui n'a pu entendre parler des choses que je leur ai préparées. Et ça n'a pas effleuré l'esprit d'un être humain. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر في ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. إيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه il dit ce qu'annonce الله سبحانه وتعالى ce que nous annonce الله سبحانه وتعالى concernant son essence Azzawajal, et concernant le jour dernier, l'au-delà, il y a des expressions qui ont une certaine similitude, avec des significations que nous connaissons dans ce bas monde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé qu'il est hayy, qu'il est vivant, qu'il est alim, qu'il est savant, qu'il est qadir, qu'il est capable, puissant, qu'il est qu'il entend, qu'il voit, et ainsi de suite. يقول ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. Et il dit رحمه الله, nous on sait, on connaît ce que prouvent ces noms comme attributs. Et que ces attributs n'ont pas de similitude, en réalité, chez la créature. Et la réalité de ces attributs, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa réalité et sa réelle signification, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Et le comment de ces attributs, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. يقول كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك ولكن ليس حقيقة ذلك من جنب ما في الدنيا وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله. Il donne aussi un autre exemple, il dit comment on sait qu'au paradis il y a la viande, il y a le lait, il y a le bain, il y a le miel, il y a l'alcool, il y a le vin, il y a l'eau et ainsi de suite. Mais la réalité n'est pas comme celle que nous connaissons dans ce bas monde. Et donc, dans ces cas-là, la réalité de ces choses-là ne connaît leur réalité qu'Allah Azza wa Jal. يقول والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومات معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. Il dit, rahmatullah alayh, et les annonces et les informations concernant l'invisible, on ne peut pas les comprendre si il n'est pas utilisé des noms dont on connaît la signification dans notre quotidien. Et avec cette signification, on va connaître cet invisible par l'intermédiaire de la science et de la signification de ce qu'on connaît, tout en sachant la différence qu'il y a et les particularités qu'il y a. Et que ce qu'a annoncé Allah Azza wa Jal parmi les choses de l'invisible, dans le langage que nous comprenons, est beaucoup plus énorme que ce qu'on sait. Et il dit, وَهَذَا النَّوْعِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِتَعَدُّلِ الْوَصُولِ إِلَيْهِ. Il dit, cette catégorie, donc la réalité n'est connue que par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pose pas de question dessus, car on ne peut pas arriver à sa réalité. Car sa réalité, c'est tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. يقول وأما النسبي المتشابه النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيعلم من يعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. Il dit quand t'as confus relatif, c'est ce qui va être confus pour certaines personnes et non pas pour d'autres. Et donc ceux qui sont ancrés dans la science et dans la foi connaissent de ce confus relatif ce que les autres ne connaissent pas. Et les autres ne connaissent pas parce que ils ont pas assez de science, ou parce qu'ils étaient négligents à demander la science, ou parce que leur compréhension est limitée, ou parce qu'ils ont des mauvaises intentions, et ainsi de suite. يقول وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. Il dit cette catégorie de confus relatif, on pose la question pour avoir des éclaircissements dessus, car on peut arriver à sa signification, car il n'y a pas quelque chose dans le Coran dont le sens n'est pas clair pour tous les gens. Hein? Ici s'arrêtent les paroles de Cheikh l'Islam, de Cheikh l'Utaymi, rahmatullah alayh. Et donc, revenons à ce que va confirmer. Revenons à ce fondement, qui est ce fondement et cette particularité des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna dans leur comportement avec les textes de la législation, et comme quoi ils croient en les textes qui soient clairs ou qui soient confus. Et ils y croient tous les deux. Et que les textes confus, pour les utiliser, pour les comprendre, ils les ramènent vers les textes clairs. Et comme ça, il n'y a aucune contradiction entre les textes, contrairement à la pratique des gens de l'innovation qui font complètement le contraire. Ils vont chercher l'ambigu pour servir leurs passions et leurs innovations et pour argumenter pour leur fausse voix et leur opinion égarée et égareuse. Et dans la confirmation de cette voix et de ce fondement, et dans la réplique à ces innovateurs, Cheikh Rabi Hafidahullah, il confirme ceci. يقول في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Et pour confirmer ce fondement, Cheikh Rabih, il commence par ce verset, dans ce passage. Ce verset dans la traduction, nous dit ceci. La traduction approximative du sens. C'est lui qui a descendu sur toi le livre. Dans ce livre, il y a des versets qui sont clairs et d'autres qui sont l'origine du livre, la mère du livre, c'est-à-dire la base et la source du livre, et d'autres versets qui sont confus. Ceux qui ont de la déviance dans les cœurs suivent le confus pour chercher les séditions et les fitaines, et pour faire des fausses interprétations, alors que la réelle interprétation ne la connaît qu'Allah, et ceux qui sont confirmés dans la science disent « nous y croyons ». Tout nous vient de notre souverain et se rappelle ceux qui sont doués de raison. Et c'est aussi une parenthèse, on va prendre ce qu'a rapporté Imam Ibn Kathir rahimahullah concernant l'interprétation de, Il rapporte de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anhuma annahu qala at-tafsiru ala arba'ati anha. Fa tafsiru la yu'daru ahadun fi fahmihi wa tafsirun ta'rifuhu al-arabu min lughatiha. وتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه إلا الله ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وبالشعتاء وبنهيك وغيرهم ومنه Donc Ibn Kathir doit rapporter concernant l'interprétation, il rapporte les paroles d'Abdullah ibn Abbas. Il dit que l'interprétation, c'est quatre choses. quatre catégories d'interprétation. Il y a une interprétation, personne n'est excusé de ne pas la comprendre. Il y a une interprétation qui est connue par les Arabes dans leur langue. Connue par les Arabes dans les différentes langues arabes. Et une interprétation que ne connaissent que les hommes de science ancrés dans la science. Et une interprétation, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui la connaît. Et cette parole est rapportée aussi de Aïcha, de Urwa, de Abi Shata, de Abi Naïk et d'autres. Cette parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda. Comme ça, ça nous donne une certaine définition du sujet, et ça nous aide à comprendre le sujet qui est en train, que nous sommes en train de traiter. يقول الشيخ ربيع نبهنا الله في هذه الآية التي ذكرناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال وما هم فيه من الشبهات. الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية لما تلاها قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الشيخ ربيع الله سبحانه وتعالى تيري notre attention dans ce verset qui a été cité que ceux qui ont de la déviance dans leur cœur, suivent l'ambigu. Pourquoi ils suivent cet ambigu? Parce qu'ils cherchent les séditions. Parce que leur but, c'est de créer la fitna dans la religion des gens. Et c'est dévier les gens de la religion véridique d'Allah et de ramener les gens, de les faire dévier vers les innovations et les égarements et vers les ambiguïtés sur lesquelles ils sont chez gens de l'innovation. Et ceux qui suivent, l'ambigu. Et il a dit, le messager alayhissalam a récité ce verset. Et quand il a récité ce verset, il a dit, si vous voyez, Rasulullah s.a.w. a dit, si vous voyez ceux qui suivent l'ambigu, ceux-là, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a nommés. Faites attention à eux. Il dit le Cheikh Rabi'a, « فَهَاُولَيَ أَهْلُ الْأَهْوَىٰ وَأَهْلُ الزَّيْرِ هُمُ الَّذِينَ يَتَتَبَّعُونَ الْمُتَشَابِهَاتِ. » الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. Et il dit حفظه الله تعالى ceux-là, les gens qui suivent les passions, les gens de la déviance, qui suivent l'ambigu, le رسول صلى الله عليه وسلم a bien ciblé et bien précisé que les gens qui ont des déviances, al-zayr, qui ont des déviances, suivent l'ambigu. Et que c'est cela duquel il faut avertir les gens. Il faut avertir les gens contre cette catégorie-là. Il dit, « فَمِنْ عَلَامَةِ أَهْلِ الْبِدَىٰ وَمِنْ عَلَامَةِ أَهْلِ الزَّيْرِ أَنَّهُمْ لَا يَسْلُكُونَ مَسَالِكَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي بِنَاءِ دِينِهِمْ عَلَى الْآيَاتِ الْمُحْكَمَةِ ورد المتشابهات إلى المحكمات وإنما يتعلقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان ومكان مهما كان نوع بدعتهم. Il dit حفظه الله تعالى fait partie des signes apparents des gens de l'innovation, signes clairs, et fait partie des signes des gens de la déviance, c'est que ils prennent pas les voies des gens de la sunna dans le fait d'accomplir leur religion sur les versets clairs et de ramener les versets ambigus vers les versets clairs pour les comprendre à la lumière des versets clairs. Mais ces gens de l'innovation et de la déviance s'attachent à ce qui correspond à leur passion et s'attachent au texte avec lequel ils peuvent propager leur mauvaise da'wa et leurs égarements et leurs innovations, comme on fait le khawarij, comme on fait le rawafid, comme font le murji'a et comme ils l'ont fait, comme on font le qadariya. Ils s'attachent à des textes généraux, ambigus, qui correspondent et qui sont conformes à leur passion, et donc ils s'égarent et ils égarent les gens. Et sur cette voie-là, et sur cet exemple-là, sont les ondes de l'innovation en tout lieu et en tout temps, peu importe leur innovation. وقال حفظه الله أهل السنة يتفقهون في كتاب الله وسنة رسوله على طريقة الصحابة والتابعين في العقائد والعبادات والمعاملات ويردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve que les gens de la sunna comprennent et prennent la science du livre et de la sunna selon la voie des nobles compagnons et de leurs successeurs, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau du comportement, du commerce, et ils ramènent les textes ambigus vers les textes pour les comprendre à la lumière des textes clairs. يقول وأهل الأهواء يفسرون القرآن والسنة حسب أهوائهم ويقدمون المتشابهات على المحكمات. Et il dit, rahmatullah alayh, que les gens des passions expliquent le Coran et la Sunna selon leur passion. Et ils mettent en avant les textes ambigus. Hein? Ils mettent au devant les textes clairs, les textes ambigus. Et ils ramènent jamais les textes ambigus vers les textes pour les comprendre à la lumière des textes clairs. وقال صدده الله وعافاه أهل السنة لا جفاء ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط بل يجمعون بين النصوص. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala annonce sa vie dans son obéissance, qu'il le guérisse, que les gens de la sunna ne sont pas dans les extrêmes, ni dans le laxisme, ni dans l'exagération, ni dans dans la négligence. Ils réunissent les textes. يقول ما من صاحب بدعة إلا وتجده يتتبع المتشابهات ويعرض عن المحكمات وأهل السنة يأخذون بالمحكمات ويرجعون المتشابهات إلى المحكمات بالتوفيق بينهما. Il dit tout innovateur, tout homme de l'innovation, tu vois qu'il suit les textes ambigus, il détourne des textes clairs. Et les gens de la sunna prennent et mettent en avant les textes clairs et ils ramènent l'ambigu pour le comprendre vers le texte clair et ainsi ils créent une certaine conformité entre les textes et ainsi il faut apparaître cette conformité qu'il y a dans le texte parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah Azza wa Jal. يقول رحمه الله بتخصيص العام والتقييد المطلق والناسخ والمنسوخ عندهم وإلى آخره. لكن الناسخ والمنسوخ لا يدخلوا في الأخبار. Il dit, ils agissent en prenant le texte de l'en général, en le faisant spécifier avec d'autres textes qui viennent le spécifier. Et en prenant l'absolu, le texte absolu, dont la signification est absolue, on le restreint avec des textes qui viennent le restreindre. Et l'abroger et le texte qui a été abrogé on le prend, on le déduit du texte qui a été l'abrogeant vient l'abroger quelque chose dans un texte et donc on le prend en considération. et autre chose. Mais il dit une chose très importante, il n'y a pas de texte abrogeant concernant les informations, c'est-à-dire concernant les attributs d'Allah, concernant tout ce qu'il y a dans le delà, tout ce qu'il y a dans l'invisible et tout ça. Ça n'existe pas de texte abrogeant. L'abrogeant vient en ce qui concerne les transactions, en ce qui concerne les lois et ainsi de suite. يقول الشاهد أنهم لا يضربون النصوص بعضها ببعض كما يفعل هؤلاء وهؤلاء. دي التيمونياج سي كو ne fracasse pas la tête des textes les uns contre les autres comme font les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Vous voyez que les gens de la sunna prennent le texte général et quand il y a des textes spécifiques, ils viennent et ils vont spécifier ce qui doit être spécifié. Et le texte absolu, ils vont le prendre, et après ils vont chercher s'il y a des textes, qui sont des textes qui viennent restreindre cet absolu, ils vont les utiliser. Et ainsi, ils prennent des textes, il y a des textes qui viennent les abroger ce qu'il y a, ils le mettent en application, et ainsi de suite. Contrairement aux gens de l'innovation qui, eux, prennent l'ambigu et l'interprètent comme il convient à leur passion et leur innovation et ils vont au devant. وقال أيده الله ودفع عنه كل سوء ومكروه وشافاه الله وعافاه الأخذ بالشريعة بارك الله فيكم بكاملها والجمع بين النصوص لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأهل السنة يأخذون بالمحكمات ويردون المتشابهات إلى المحكمات فهذه النصوص المتشابهة يردونها ويجمع بينها ولا يضرب بعضها ببعض كما يفعل الخوارج وكما يفعل غيرهم من أهل البدع من المرجئة أو المعتزلة وغيرهم يتعلق بشبهة نص ويذهب يخترع به بدعة فيكفر به المسلمين وكذا وكذا وأما الراسخون في العلم فهذه طريقتهم الجمع بين النصوص والتأليف بينها والتوفيق بينها بحيث يمكن العمل بالجميع. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de tout mal, qu'il allonge sa vie dans son obéissance. Il dit, mettre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, mettre la législation d'Allah complètement, et réunir les textes, Il dit, c'est ça, il est obligatoire de prendre la législation complètement et de réunir les textes. Et de ne pas les fracasser. Il dit, mais ceux qui ont de la déviance dans les cœurs suivent l'ambigu parce qu'ils cherchent les séditions et parce qu'ils veulent donner des fausses interprétations. Mais les gens de la sunna prennent les textes clairs, ils ramènent les textes ambigus pour les comprendre à la lumière des textes clairs. Il dit, tous ces textes ambigus, ils les ramènent pour les comprendre. Ils les ramènent, ils les comprennent à la lumière des textes clairs. Ils réunissent entre les textes. Ils ne fracassent pas les textes les uns contre les autres, comme font le Khawarij. Et comme font d'autres, parmi les gens de l'innovation, qu'ils soient le Murji'a, ou le Mu'tazila, ou autres. Ils s'attachent à des textes ambigus. Et après, ils vont créer une innovation avec laquelle ils vont rendre mécréants les musulmans. Quant à ceux qui ont la science, qui sont confirmés dans la science et enracinés dans la science, leur voie, c'est de réunir les textes, de concorder entre les textes pour mettre les textes en application. Et pour que il y ait cette concordance, cette harmonie entre le texte et de le mettre en application, contrairement aux gens de l'innovation. Il y a eu beaucoup d'exemples que Cheikh a donné en exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce sa vie dans son obéissance. Certains textes dans lesquels, auxquels s'attachent les gens de l'innovation et ceux qui cherchent les séditions dans la communauté. Où il a montré, Hafidhahullah Ta'ala, comment la voix des gens de la Sunna est très différente et particulière vis-à-vis de ce texte, contrairement aux gens de l'innovation. Et comment les gens de la Sunna ramènent ces ambigus et vers ce qui est clair, ils font la concordance. En expliquant l'ambigu par le clair, par les textes clairs. فقال في شرح حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي رواية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. Le hadith est chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et concernant, il a dit, rahimahullah, dans l'interprétation de ce hadith, trois choses, trois caractéristiques, quand ils sont chez quelqu'un, il est hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il tient pas sa promesse. Quand on lui confie quelque chose, il n'est pas digne des dépôts qu'on lui a confié, il le trahit. Dans une version, quand il se dispute, il lève la voix, il devient très mauvais, très vulgaire. Et quand il donne un impact, ben il trahit. يقول حفظه الله هذه علامات تسمى علامات المنافقين نفاقا عمليا يعني ليس عندهم كفر باطن وقد يكون ولهذا قال من كن فيه كان منافقا خالصا فقد يكون منافقا 100% وقد يكون عنده نفاق عملي ولكن يجب أن نحذر من هذا الذي إذا وعد أخلف وإذا حلف كذب وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر والله يجب أن نسيء به الظن وأن نحذر منه لأن فيه علامات قوية من علامات المنافقين الحقيقيين ولا نجزم ولكن نكون على حذر. Il dit حفظه الله et ces signes qu'il y a dans ce hadith, ça s'appelle les signes des hypocrites. Les signes des hypocrites qui sont dans une hypocrisie au niveau des actes. C'est-à-dire, c'est pas une hypocrisie intérieure qui est du domaine de la mécréance. Ou ça se peut qu'ils aient cette hypocrisie du cœur qui est dans l'intérieur qui les fait tomber dans la mécréance. Parce qu'il a dit celui qui les a réuni toutes ces caractéristiques, ben c'est un hypocrite pur. Il dit, Hafidhahullah, il peut être un hypocrite à 100%. Comme il se peut qu'il a de l'hypocrisie au niveau des actes, c'est-à-dire une hypocrisie qui ne va pas le sortir de l'islam. Il dit, mais il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention et qu'on soit vigilant. Et qu'on avertisse contre celui quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand il jure, il fait un serment et ment. Et quand on lui confie un dépôt, il n'est pas digne du dépôt, il trahit. Et quand il se dispute, il lève la voix, il insulte, et ainsi de suite. Il dit, par Allah, il est obligatoire d'avoir des mauvaises suspicions sur lui, et qu'on avertisse contre lui. Car ce sont des signes très forts, parmi les signes de l'hypocrisie, des hypocrites réels. Et il dit, mais on confirme pas totalement qu'il est hypocrite. Confirmons pas irréfutablement son hypocrisie. Mais on fait très attention. Et on est aux aguets. يقول نسوق الأحاديث التي لا نجزم بأنها لا كفار وإنما نتوقف فيها وهذا أهيب للأحاديث فإذا مثلا نوقشنا فيها نبين للناس أن هذا نفاق العمل وأن هذا كفر دون كفر. دي وغامل لحديث دي حديث اي سي حديث سكيل on ne décrète pas d'une façon irréfutable que ces gens de ces hadiths sont des mécréants. Mais on ramène le hadith tel quel. On le cite tel quel. Parce que ainsi le hadith va avoir du poids. Et après, si on débat, quelqu'un débat avec nous sur ce hadith, à ce moment-là, on peut lui faire comprendre que la personne, hein, c'est là une de ses caractéristiques, etc., de l'hypocrisie, qu'il est tombé dans une hypocrisie au niveau des actes. Et que ceci, c'est une mécréance qui n'en est pas. C'est kofrandouna kofr. Hein? Pour ce qui est du nifaq amali, de l'hypocrisie au niveau des actes. يقول ومذهب السنة لا يكفرون أهل الكبائر فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الخوارج يكفرون بهذه النصوص وأهل السنة يقولون لا ليس كذلك فالله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إيه دي حفظ الله la voix des gens de la sunna c'est qu'ils rendent pas mécréants les gens quand ils accomplissent des péchés capitaux. L'exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim, hein? Hadith de Jarir, radiallahu anhu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne revenez pas après moi des mécréants égarés et que les uns coupent la tête aux autres. Que vous coupiez la tête les uns aux autres. Cheikh Rabbi, il dit, le Khawarij rendent mécréants avec ce texte. Et les gens de la Sunna, ils disent, non, ce n'est pas comme ça. Le Khawarij, ce texte-là, il l'utilise pour rendre les gens mécréants. Et les gens de la Sunna, non, ils ramènent un autre texte. Hein? Donc, qui va expliquer celui-là, et qui va montrer que ce n'est pas une mécréance. Hein? Que c'est une mécréance qui n'en est pas une. Et il ramène ce verset dont la traduction nous dit ceci. C'est un des groupes des croyants. C'est deux groupes parmi les croyants. Deux groupes parmi les croyants s'entretuent entre eux. À réconcilier-les. Et c'est l'une attaque l'autre et ne veut pas revenir au jugement du livre et de la sunna. Donc combattez celle qui attaque jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revient à l'ordre d'Allah, réconciliez-les avec justice. Hein, et soyez justes, car Allah subhanahu wa ta'ala il aime les justes. Certes, les croyants sont des frères, et il les a appelés croyants. Il leur a attesté de la fraternité. يقول الشيخ ربيع فشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالأخوة الإيمانية مع أنهم اقتتلوا وقاتل بعضهم بعضا وسلوا السيوف بعضهم على بعض لكن إذا كان هذا الذي سل السيف وقاتل المسلم مستحلا لذلك فهو كافر وإن كان يرى حرمة دم هذا المسلم وإنما لشهوة وغرض وأحقاد وأشياء مع أنه يرى أن هذا القتال حرام فهذا ليس بكافر وإنما عنده كفر دون كفر كفر عملي لا يخرجه من الملة ولهذا فسر أبو عبيدة وغيره وابن تيمية وأئمة الإسلام كلهم هذه الأحاديث التي تعلق بها الخوارج وذهبوا يكفرون بها المسلمين بارتكاب هذه الكبائر بالزنا وشرب الخمر والقتل والقتال وما شاكل ذلك فيكفرونهم أهل السنة شرحوا هذه الأحاديث بمثل ما قلنا لكم الذي حفظه الله تعالى إذنك الله سبحانه وتعالى لغا أتشتي لفوا دون الفرسي. Il aura attesté aussi la fraternité de la foi, alors qu'ils se sont entretués entre eux, qu'ils ont pris les armes les uns contre les autres. Et il dit, mais si maintenant celui qui a pris l'arme pour combattre un autre musulman, en disant qu'il est permis de le tuer, celui-là il est mécréant. Qu'il est permis de tuer ce musulman, ah, et que son sang illicite, ah, il est mécréant. Mais maintenant, s'il le combat, hein, et il entre en guerre avec, et il voit que son sang, il est sacré, que le sang de ce musulman est sacré, mais il le combat, il le tue pour hein, les tentations, pour un but, pour des jalousies, pour de la haine, ou autre. Mais il voit que le fait que ce combat, il est illicite. Celui-là n'est pas mécréant. Mais il a une mécréance qui n'en est pas. C'est-à-dire une mécréance qui ne sort pas de l'islam. Une mécréance au niveau des actes, tout simplement. Une mécréance qui ne le sort pas de la voie, qui ne le sort pas de l'islam. Et c'est pour ça qu'Abu Ubaïda, ainsi qu'Ibn Taymiyyah, ainsi que les imams de l'islam tous, ont expliqué ces hadiths auxquels se sont attachés les Khawarij. Et ils sont allés à rendre mécréants hein, les musulmans qui tombent dans des péchés capitaux comme zina, comme l'adultère, comme le fait de consommer de l'alcool, comme le fait de tuer, comme le fait de combattre, de rentrer en guerre et autres avec les musulmans et autres. Ils sont allés avec des textes les rendre mécréants. Quant aux gens de la sunna, ils ont expliqué ces hadiths comme nous, hein, cher, il dit, comme nous vous avons dit. C'est-à-dire que si maintenant il prend son arme pour tuer son frère musulman et pour le combattre, en disant bah son sang illicite, khlas, il est mécréant. Mais s'il prend son arme pour le combattre et qu'il sait et il croit que son sang est sacré, mais il le fait pour un but ou autre, bah il est tombé dans une mécréance au niveau des actes et c'est pas une mécréance qui le sort de l'islam. Et ça c'est la voix des gens de la sunna contrairement aux gens de Khawarij. يقول وكذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يقام عليه الحد إما رجما وإما جلدا ولو كان كافرا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه حكمه القتل فقط يستتاب فإن تاب وإلا قتل قتل ردة لا قتل حد والسارق تقطع يده حدا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لو كان كفرا يقتل ولا تقطع يده. Et il donne d'autres exemples, il dit, rahimahullah, Zani ne commet pas zina quand il est croyant. Hein? On comprend quoi? Il ne faut pas aller directement à la compréhension des Khawarij. Parce qu'il dit, hafidhahullah, l'adultère, celui qui a forniqué, qui est tombé dans l'adultère, on va appliquer la sentence soit de la lapidation, soit du fouet. Hein? Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un mécréant. Ça veut dire que sa foi a diminué, il a commis un péché, puis là, il est tombé dans une mécréance au niveau des actes. S'il était mécréant, dans ces cas-là viendra la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui songe sa religion, tue-le. Qui va le tuer, ce n'est pas n'importe qui, c'est toujours le gouverneur qui a, et les juges qui vont décréter ça. Donc, et si celui qui a changé sa religion, sa sentence c'est qu'il soit tué. Tout simplement. On lui demande de se repentir. S'il se repent, c'est bon. S'il se repent pas, ben il sera tué, non pas par sentence, mais parce que il a apostasie. C'est le jugement de l'apostat. Et donc, il est sorti de l'islam. Il a donné un autre exemple. Il dit, le voleur, sa main se coupe. Par sentence, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il est mécréant. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, le voleur et la voleuse, coupez-leur leur main. Il dit, rahimahullah, si c'était une mécréance, hein, la sentence aurait été la mort. Hein? Ils n'ont pas le fait de couper sa main. Ça, ce sont le genre de textes ambigus auxquels s'attachent le Khawarij et qui rendent mécréants la communauté musulmane. Il fait partie aussi des fondements et des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna du Salafi. Et cette particularité, vraiment, les rend particuliers. Il leur donne une certaine particularité, une certaine distinction par rapport aux innovateurs et par rapport aux gens de l'innovation, à ceux qui suivent leur passion. C'est que, hein, il se restreint pour la compréhension des textes à la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhi. Concernant la compréhension du livre et de la sunna, il se restreint à la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhi, contrairement aux gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Ceux qui suivent leur passion et leurs innovations, ne vont pas à la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhi. Ils se basent sur leur compréhension limitée à eux et sur leurs mauvaises raisons. Et dans la confirmation de ce fondement salafi, de ce noble fondement et de ce fondement géant, Cheikh Rabi, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. « Ha huna umurun uhibbu an unfitha nadhar al-qari ilayha » منها أن في المنهج السلفي منهج الفرقة الناجية المنصورة ضمانات تمنع من الوقوع في الضلال والانحراف في الأصول والفروع بشهادة القرآن والسنة. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إلجي حفظه الله. Ici, il y a des points sur lesquels je veux attirer l'attention des lecteurs. Fait partie de ce point, premièrement, c'est que la voie salafi, la voie de la fraction sauvée et la fraction victorieuse, qui est la même fraction, qu'on appelle sauvée ou victorieuse, c'est le même groupe. Dans cette voie, il y a les garanties qui empêchent de tomber dans l'égarement et dans la déviance, que ce soit au niveau des fondements ou au niveau des ramifications, et ceci est attesté par la parole d'Allah et la sunna du messager, alayhi salam. Et il a cité le verset dont la traduction approximative du sens du verset dit ceci, « Celui qui suit ma guidance, il s'y garera pas et il ne sera pas attristé. Il s'y garera pas dans ce bas monde, il ne sera pas attristé dans le delà. » Il a cité un texte de la Sunna. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous cramponnez à ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer après moi. Jamais vous allez vous égarer. Le livre d'Allah et ma Sunna. Il dit, les preuves confirmant ce fondement sont nombreuses. Il dit, وواقع هذه الفرقة في الماضي والحاضر يشهد بذلك فهم دعاة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح والتقيد به. Il dit حفظه الله la situation de cette fraction, c'est-à-dire les salafis, dans le passé et dans le présent, atteste cela. Ce sont des prêcheurs qui appellent vers le fait de se cramponner au livre, à la sunna et de suivre la voie du pieux prédécesseur d'Allah alim et de se restreindre à cette voie. Thalitan wa min shurutihim li fahmi al-kitab wa as-sunnah at-taqayyud bi fahmi as-salaf fi al-usul wa al-furu' fa hadhihi min al-asbab min al-asbab al-waqiyati ba'da ri'ayati Allah من الوقوع في الضلال والانحراف وواقعهم يشهد بذلك. Il dit, حفظه الله تعالى, troisième point, fait partie de leur condition dans leur compréhension du livre et de la sunna, c'est de se restreindre à la compréhension des pieux prédécesseurs de Allah alayhi, que ce soit au niveau des fondements ou au niveau des ramifications des branches. Et ça, ce sont des causes qui préservent par la protection d'Allah Azza wa Jal, qui préserve par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait de tomber dans l'égarement, dans la déviance, et la situation de cette fraction le prouve et l'atteste. Wa qala saddadahu Allah kullu man tamassaka bil kitab was sunnah وسار على طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وطريقة أئمة الهدى في فهم الكتاب والسنة من الفرقة الناجية المنصورة. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve tout un chacun qui se cramponne au livre et à la sunna et qui prend la voie des nobles compagnons, de leurs successeurs et de ceux qui les suivent à la perfection, et la voie des grands imams de cette religion, dont la compréhension du livre et de la sunna fait partie de la fraction sauvée et fait partie de la fraction victorieuse. وسئل الشيخ ثبته الله على الحق هل من يرد تفسير ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقول آية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا هل يعتبر هذا الرجل من الخوارج؟ Et on lui a posé la question, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et qu'il le raffermisse sur la droiture. Est-ce que celui qui rejette l'interprétation d'Abdullah ibn Abbas concernant le verset qui dit, et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, ceux-là font partie des mécréants? Et ils disent que ce verset, il est dans son sens absolu et qu'il n'est pas permis de spécifier ce verset et que le gouverneur qui gouverne avec autre, avec des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu, est un mécréant. Hein? Est-ce que cet homme-là qui dit ceci, qui croit, qui dit cela, c'est fait partie du Khawarij? Yaqul. لا شك أن هذا مسلك الخوارج فالذي يخالف أئمة التفسير وعلى نفسه وعلى رأسه ابن عباس ويخالف أئمة الحديث والسنة وأئمة العقيدة والمنهج في مثل هذه الأحكام الخطيرة وهذه الأصول العظيمة فلا شك أنه قد اختار غير طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجا غير منهج أهل السنة والجماعة وغير منهج الراسخين في العلم وليس الغريب من أهل البدع أن يخالف الصحابة بل أن يخالف الكتاب والسنة. Et il a répondu, il n'y a aucun doute que ça c'est la voie du Khawarij, c'est le chemin qu'ont pris le Khawarij. Dit celui qui cherche la divergence et qui va à une divergence et qui diverge avec les imams de l'interprétation et alors tête Abdullah ibn Abbas. Et qui est la personne qui se met en divergence avec les grands hommes de science du hadith et de la sunna, et avec les grands hommes de science de la aqida et des grands imams de la aqida et du menhej, dans ce genre de loi très dangereuse, et dans ses fondements, dans ses grands fondements, il n'y a aucun doute que cette personne a choisi le chemin, un autre chemin que le chemin des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et que cette personne a choisi une autre voie que la voie des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et il a choisi la voie de ceux qui ne sont pas confirmés ni qui sont ancrés dans la science. Il a choisi une autre voie qu'eux. Il n'y a rien d'étonnant. Hein, de la part des gens de l'innovation qui soient en divergence avec les compagnons. Rien d'étonnant dans tout ça. Ils se positionnent en divergence par rapport au livre et à la sunna. Hein? يقول ولا شك بأن مخالفة السلف في فهم الكتاب والسنة كما حصل من أهل البدع هلاك وسبب لتفريق الأمة كما أفاده الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. Il n'y a aucun doute que le fait d'être en divergence avec les pieux prédisseurs d'Allah Alim dans la compréhension du livre et de la sunna comme c'est arrivé et comme c'est la situation des gens de l'innovation, que ça c'est une perdition et un égarement. Et c'est ce qui a causé la dispersion de la communauté et sa division. Comme nous l'a bien montré Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala au moment où il a dit نحن يجب علينا أن نأخذ بفهمهم وإذا خلفنا فهمهم هلكنا ولهذا أول من هلك الخوارج وسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب النار شر الخلق والخليقة فإذا لقيتمهم فاقتلوهم لماذا؟ لأنهم احتقروا فهم الصحابة واعتمدوا على أفهامهم السقيمة فضلوا وضلوا وأهلكوا أنفسهم وخلفوا في الأمة شرا وبلاء عظيما. فلا بد من احترام فهم السلف والتبات عليه والتمسك به والعض عليه بالنواجد. يا حفظه الله dans ce sens, il nous est obligatoire de prendre la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Si on se met en divergence avec leur compréhension, nous allons à notre perte. Il dit, les premiers qui sont allés vers leur perte et qui ont péri, ce sont les Khawarij. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les chiens de l'enfer, les pires des créatures. Si vous les rencontrez, combattez-les. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé, ils ont négligé, ils ont mis de côté la compréhension des nobles compagnons d'Allah alayhim, et ils ont mis en avant, ils se sont appuyés, ils ont mis en avant leur compréhension stérile. Ainsi, ils se sont égarés, ils ont égaré, et ils ont péri, et en plus de ça, ils ont ouvert, et ils ont laissé un mauvais héritage à la communauté, de grandes épreuves en héritage à cette communauté. Il dit, il est obligatoire de respecter la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim et de rester ferme sur cette compréhension et de s'y cramponner et de mordre dessus avec les molaires. Il dit, rahimahullah, il nous montre que la compréhension des pieux prédicateurs d'Allah alayhim, c'est le baromètre. Le baromètre pour analyser tout un chacun. Pour analyser les compréhensions des gens, les compréhensions qu'ils font des textes, le livre et la sunna, ben le seul baromètre pour les analyser comme il se doit, c'est la compréhension des pieux prédicateurs d'Allah alayhim. Hein? Parce que la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alim, c'est la vérité. Et ce qui est en divergence avec la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alim, c'est le faux. Il dit, Habib Allah, Al-Rawafid, yad'ouna annahum, yad'ouna ila al-kitab wa sunna. Wa ubbad al-qubur yad'ouna, yad'ouna annahum, yad'ouna ila al-kitab wa sunna. Wa al-ahzab, kathirun minhum, yad'ouna annahum, yad'ouna ila al-kitab wa sunna. Famizanuhum, أن نرجع إلى فهم السلف في تفسير النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى فهم السلف وإلى فهم السلف وإلى تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير ابن أبي حاتم وأمثالها لنميز بين المحق والمبطل. وهناك تتساقط الدعاوى الباطلة ويظهر الفرقان بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. Il dit, حفظه الله, الروافض prétendent qu'ils appellent vers le livre et la sunna. Les adorateurs des tombes prétendent la même chose. Les partis, les partisans de partis et leurs leaders prétendent qu'ils appellent vers le livre et la sunna. Donc le baromètre pour les analyser, c'est qu'on doit revenir vers la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, dont l'interprétation qu'ils ont fait du livre et de la sunna du messager alayhi salatu wasalam. On revient vers la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. On revient à l'interprétation du Coran d'Ibn Jarir, à celle d'Ibn Kathir, à celle d'Al Baghawi, à celle d'Ibn Abi Hatim et leurs similaires pour faire la différence et pour discerner le vrai du faux. Et ici, à ce moment-là, les fausses prétentions vont s'anéantir et vont tomber et il va y avoir la distinction et la différence entre le vrai et le faux et entre les gens du vrai et les gens du faux. Et ici, il y a, Cheikh Rabi, elle attire notre attention sur un point important. Quand les pieux prédécesseurs ont une divergence sur un sujet, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener le sujet vers le livre, il est Zunna. Et ce qui sera mis en avant, sera mis en avant par rapport à la lumière de la législation. C'est les textes qui vont mettre en avant ce qu'il faut mettre en avant dans la divergence qu'il y a eu entre les pires prédicteurs d'Allah Alim. Et on n'a pas le droit de ramener une autre opinion et d'autres positions, des nouvelles positions par rapport à eux, parce que ceci ramène la division et la divergence et nous fait sortir de la compréhension et de la voie sur laquelle étaient les pires prédicteurs d'Allah Alim. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabbi il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, تجد مسائل اختلف فيها السلف فإن مفاهيم السلف تختلف في شيء من القضايا الفرعية في فهم النصوص في الأمور الفرعية قد يوجد خلاف بين مالك والشافعي بين الشافعي وأحمد فيدرس في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء النصوص القرآنية والنبوية فيترجح له مذهب على مذهب فله ذلك أما إذا كان يقصد الانفلات وما أظن سلفيا يقصد هذا فما إذا كان هذا الإنسان يريد الانفلات من فهم السلف ويقارعهم بفهمه الذي ابتدعه ولم يسبقه إليه أحد فهذا إليه أحد فلا ولا كرامة الشيخ il dit concernant ce point tu vas trouver des sujets sur lesquels les pieux prédicteurs d'Allah Alim ont divergé car la compréhension il y a eu une divergence dans la compréhension de certains sujets chez les pieux prédicteurs d'Allah Alim. Mais c'est pas dans les fondements, ce sont des sujets, des domaines, de la ramification et des branches. Il y a eu, et tu trouves, des divergences entre l'imam Malik, Shafi'i, entre Shafi'i et l'imam Ahmed. Et donc ces divergences, il faut les étudier à la lumière des argumentations de la législation, à la lumière des textes du Coran et de la Sunna, et à ce moment-là sera mis en avant ce qui conforme au livre et à la Sunna. Et on prend à ce moment-là la voie qui est conforme au livre et à la Sunna. Et celui qui agit ainsi, ben il a à le faire. Mais que la personne veut dévier, et il dit, je ne crois pas qu'un salafi chercherait ça, ni le veut. Mais, si cette personne veut dévier de la compréhension des pieux prédicteurs d'Allah alayhim, et il veut opposer sa compréhension à la compréhension des pieux prédicteurs d'Allah alayhim avec ce qu'il a innové, et dans lequel il a aucun premier ne l'a devancé dans cette compréhension, ben non. Il n'y a aucune gêne à dire non et non et non. يقول وأقول بهذه المناسبة أنا أنصح السلفيين في كل مكان أن يتقيدوا بمنهج السلف وفهمهم وله أن يرجح في إطار هذا المنهج وإطار هذا الفهم يرجح ما تبين له أنه الحق لا لكن لا يخرج على السلفيين بآراء جديدة يقتبسها من خارج منهج السلف من طوائف البدع والضلال ومن الأحزاب وغيرها ثم يريد أن يفرضها على السلفيين فتؤدي إلى الفرقة والاختلاف. Il dit à cette occasion, moi je conseille les salafis en tout lieu de se restreindre à la voie des pieux prédicteurs d'Allah Alim et de à leur compréhension. Et à l'intérieur de cette voie et à l'intérieur de cette compréhension, il met en avant ce qui est la vérité à mettre en avant, mais il sort pas, il ramène pas de nouvelles opinions, il vient pas propager de nouvelles opinions, il vient les propager au milieu des salafis, des opinions qu'il a eues d'une voix autre que la voix des salafis, qu'il a eues de ces groupes, de ces tendances, de la déviance et de l'égarement, et après ils veulent l'imposer au salafi, ceci va entraîner la division et la divergence. وقال حفظه الله لن نفهم القرآن إلا إذا اتبعنا واقتفينا آثار السلف إذا تأدبنا معهم وعرفنا قدرهم ومنزلتهم. نعم إذا اختلف بعض السلف حينئذ نعرض أقوال المختلفين على الكتاب والسنة ف نأخذ بما وافقهما. Il dit حفظه الله. On va pas pouvoir comprendre, on ne comprendra le Coran que si on suit les preuves et les argumentations et la trace des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et si on est digne du comportement, et si on a un digne comportement avec eux, et si on connaît, on les estime comme il se doit, et qu'on leur donne leur valeur qu'ils méritent. Il dit certes, quand il y a divergence entre les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, à ce moment-là, leur position, leurs paroles sur lesquelles ils sont en divergence, on les expose à la lumière du livre et de la sunna. Et à ce moment-là, on prendra et on mettra en avant ce qui est à conforme au livre et à la sunna. Et je crois, inshallah, qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.